Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. C'est le retour de votre émission consacrée à la danse, votre émission favorite qui s'intitule Dansez maintenant. Bienvenue donc à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver. C'est bien sûr promis, nous avons encore une émission exceptionnelle cette semaine puisqu'elle a été préparée par mes chroniqueurs favoris. Ils sont deux, il y a d'abord Arlette qui va nous parler d'un chanteur, des années 80. Tiens, ça va changer un petit peu. Et puis monsieur Christophe Pesset qui nous parlera, lui, de l'accordéon. Dansez maintenant. Dansez maintenant. So on commence en douceur, sur trois temps, Calogero, danser encore. Une ride dans la glace, je me fais vieux. Dans le lit, j'ai de la place pour deux. Avant que la vie ne passe, je veux garder l'envie. Une ride à la surface, sommes-nous heureux? La lumière s'éteint un peu à peu. Avant d'être dans le noir, je veux garder l'espoir et danser encore. Avancez toute voile dehors, la la la la, et dansez encore. Envoyez valser la mort, la la la la, dans le décor. Sans penser au lendemain, danser que tourne la tête et chanter l'air de rien. Une dernière cigarette, un verre de vin, ramasser les miettes du festin, faire avant que tout s'arrête. La fête jusqu'à la fin et danser encore. Avancer toute voile dehors, la la la la, et danser. Envoyez valser l'amour. avez pu danser le boston sur cette chanson récente de Calogero et on retrouve maintenant l'accordéon Christophe Pesset. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour, bonjour. Eh bien, cette semaine, je vous propose de parler d'un accordéoniste originaire du Beaufortin, un jeune garçon qui avait créé le Piano à Bretelles, un restaurant dansant du côté de Megève. Il s'appelle bien sûr Lucien Chambet. On va tout de suite l'écouter, eh bien, dans un morceau qui s'appelle justement Chez Lulu et Claudette, une belle petite valse. Allez, c'est parti, on commence comme ça. Chez Lulu, chez Lulu et Claudette, et Claudette, on mange la raclette. Chez Claudette, chez Claudette et Lulu, et Lulu, on mange la fondue. Chez Lulu, chez Lulu et Claudette, et Claudette, on danse le musette. La valse, la polka, le tango, la java, comme au balapapa. Au piano à Bretelles, la vie est toujours belle. On ne pense plus à rien, à Megève on est bien. Chez Lulu et Claudette, on se remue les gambettes pour danser la java, le rock, la lambada. Chez Lulu, chez Lulu et Claudette, et Claudette, on mange la raclette. Chez Claudette, chez Claudette et Lulu, et Lulu, on mange la fondue. Chez Lulu, chez Lulu et Claudette, et Claudette, on danse le musette. La valse, la polka, le tango, la java, comme au balapapa. Au piano à Bretelles, on danse, on a des ailes. On danse la samba, le tango, le cha-cha. Quand Lulu fait danser cette valse endiablée, son petit péché mignon, c'est son accordéon. Chez Lulu, chez Lulu et Claudette, et Claudette, on mange la raclette. Chez Claudette, chez Claudette et Lulu, au piano à Bretelles, on chante cette ritournelle. Quand on est chez Lucien, on danse jusqu'au matin. Chez Lulu et Claudette, on est toujours en fête. Y'a de la joie dans nos cœurs, chantons notre bonheur. Chez Lulu, chez Lulu et Claudette, et Claudette, on mange la raclette. Chez Claudette, chez Claudette et Lulu, et Lulu, on mange la fondue. Chez Lulu, Claudette, et Claudette, on danse le musette. La valse, la polka, le tango, la java, comme au balapapa. C'était certainement la maison où se retrouvaient tous les accordéonistes, les chanteurs et les danseurs évidemment. Lulu a pris sa retraite en 2000 ans et oui, le temps passe. On va tout de suite l'écouter dans une marche, la marche de la Piramanta. C'est autour d'une table qu'est née cette idée géniale, d'un défi formidable, d'une course originale. 4 jours de folie sur les sommets du pays, pour tous les passionnés de pentes enneigées, pour ceux qui ont encore le goût de l'effort et de l'amitié. C'est la Piramanta qui nous rassemble, pour elle nous serons toujours là. Elle est unique, elle est magique, qu'on soit coureur, traceur ou spectateur. C'est une course de légende, Les montagnards en redemandent. Elle est phénoménale et internationale. Y en a vraiment pas deux comme ça. Des efforts aux planètes, passant par la grande journée et la rêche à mon coin. Les athlètes sont fatigués, mais en haut du grand mont, toute la foule crie leur nom et on entend l'écho des vives à des bravos. Dans tout le beau fortin, tout le monde chante avec entrain. C'est la pierre à Manta qui nous rassemble, pour elle nous serons toujours là. Elle est unique, elle est magique, qu'on soit coureur, traceur ou spectateur. C'est une course de légende, les montagnards en redemandent. Elle est phénoménale et internationale, y en a vraiment pas deux comme ça. Je suis pratiquement persuadé que si vous fréquentiez le piano à bretelles, eh bien vous avez rencontré Marc Pascal, Maurice Larchange, le grand copain de Lulu, mais aussi Loulou Legrand, Bernard Marly et j'en passe. Tout ça pour dire eh bien que c'était le rendez-vous des copains. Et ça tombe bien, c'est le titre du prochain morceau, le tango des copains. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Allez Christophe, c'est promis, on te retrouve tout à l'heure pour la suite passionnante de cette découverte d'accordéoniste qu'on aime retrouver, hein, bien sûr, Lucien Chambet, on l'adore. Et puis maintenant, voici dans le studio notre spécialiste chanteuse-chanteur, Arlette. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette, on parle de qui aujourd'hui ? Aujourd'hui Hubert, oui. L'immense vedette dont nous allons parler est un de tes chanteurs préférés. Ah bon ? Il est auteur, compositeur, interprète, mais il joue aussi de la guitare, du piano, de l'harmonica, de la flûte, du violon, de la batterie, bref, tout un orchestre à lui tout seul. Oui. Si j'ajoute que ses compositions sont principalement de la musique pop-rock, je crois que tu as trouvé de qui il s'agit. J'ai ma petite idée, Arlette. C'est notre Gigi ? Bien sûr, Jean-Jacques Goldman, un grand monsieur. Né à Paris en 51, Jean-Jacques Goldman commence sa carrière en 1975. À ses débuts, il fait partie d'un groupe, bien sûr. Oui, Taifong avec Sister Jane. Mais c'est principalement sa carrière solo qui lui permet de s'imposer comme l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération. C'est bien vrai, Arlette. Avec des titres comme « Il suffira d'un signe » en 81, « Je te donne » en 85 ou encore « Quand la musique est bonne » en 82. Souviens-toi, Hubert. Je m'en souviens. On écoute. Toute ma jeunesse. Allez, on danse, Arlette. C'est vrai qu'avec Jean-Jacques Goldman, la musique est toujours bonne. Mais je te laisse bien sûr continuer ta rubrique, Arlette. De 1990 à 95, il fait partie du trio avec Michael Jones, l'américaine Carole Frédéric, avec qui il enregistre entre autres 1, 2, 3, que l'on a plaisir à redécouvrir. Génial ce rock. Oui, allez, on danse encore, Arlette. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien. Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un

petite ambiance, piano bar, très sympathique, un air de bossa nova. Et puis juste après ce petit air, on retrouvera Christophe Pesset pour la suite. Je vous l'avais promis tout à l'heure, la suite de l'accordéon Nouvelle Vague consacré aujourd'hui à Lucien Chambet. Mais pour l'instant, je vous le dis, on va rester tranquille au bord du bar ou au bord de la piscine, comme on veut. Si on consomme, c'est avec modération. Je vois le batteur arriver. Batterie maintenant. Et oui, c'est la deuxième partie de cette rubrique accordéon consacrée à notre ami Lucien Chambet. Alors, le saviez-vous que Lucien avait joué au sommet du Mont Blanc et il a de ce fait composé un morceau qui s'appelle Olé Monte Blanco, un très beau passo-doble qu'on va écouter, bien sûr, maintenant. Lucien Chambet. Très belle interprétation de ce magnifique passo-doble Olé Monte Blanco, extrait de l'album Souvenir du piano à bretelles. Alors c'est le quatrième album de Lucien Chambet, bien sûr. Si vous avez envie de vous les procurer, eh bien n'hésitez pas à appeler Musicool. On écoute tout de suite une petite begin, la begin, tiens, à Caroline. Allez hop, c'est parti, un peu de soleil sur les ondes. Allez, vas-y, chauffe, vas-y, vas-y, vas-y. S'amuser. Caroline, Caroline, tu es la plus jolie. Caroline, Caroline, des filles de mon pays. Caroline, très beau, knippé dans ses momos. Quand il met sa casquette, avec lui c'est la fête. Au piano à Bruxelles, la fille est toujours belle. À Megève on est bien quand on est chez Lucien. Caroline, Caroline, tu as de jolis yeux. Caroline, Caroline, comme le ciel ils sont bleus. Caroline, Caroline, ton pin est repoussé. Caroline, Caroline, j'ai envie de le croquer. Regarde tous les garçons. On va danser la biguine, Caroline. On va bien s'amuser. Caroline, Caroline, tu es la plus jolie. Caroline, Caroline, des filles de mon pays. Cette danse rétro nous vient des pays chauds. C'est facile à danser, c'est bon pour la santé. Cette air de carnaval, c'est bon pour le moral. La fête est commencée, en chœur on va chanter. Caroline, Caroline, tu as de jolis yeux. Caroline, Caroline, comme le ciel ils sont bleus. Caroline, Caroline, ton pied est repoussé. Caroline, Caroline, j'ai envie de croquer. Regarde tous les garçons, ils sont l'air. Bien s'amuser. Caroline, Caroline, tu es la plus jolie. Caroline, Caroline, des filles de mon pays. Un peu de chaleur en ce mois de décembre. Eh bien oui, c'est déjà la fin de cette petite rubrique, mais bien sûr, comme je vous le dis, toutes les semaines, maintenant vous avez l'habitude, on retrouvera la semaine prochaine un nouvel accordéoniste. Que dis-je, une nouvelle accordéoniste direction Montbéliard et nous parlerons de Corinne Bidot. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, merci de votre fidélité et on termine encore avec une petite valse. C'est une course folle, tout le monde en rafale. Il faut avoir et la force et la foi. Le goût de l'aventure et de l'exploit. Tout a commencé dans le Beaufortin, autour d'une table entre bons copains. De vrais passionnés qui avaient rêvé d'une course où chacun devrait se surpasser. Tous les amoureux, tous les passionnés de ski, alpinisme et de grands sommets ont fait aussitôt tourner les chronos. La légende de Pierre Amanta était née. C'est une course folle, tout le monde en rafale. Il faut avoir et la force et la foi, le goût de l'aventure et de l'exploit. On monte le Mirantin, la grande journée, Pierre Amanta, mon coin jusqu'au plané. Du bois au grand monde, il faut tenir bon, ne pas se laisser gagner par l'émotion. Pour chaque coureur, c'est un vrai défi. Pour les bénévoles, c'est de la folie. Pendant 4 jours, presque 4 nuits, tout le monde chante et rit partout dans le pays. C'est une course folle, tout le monde en raffole. Il faut avoir de la force et la foi, le goût de l'aventure et de l'exploit. C'est une course belle, le cœur s'en rappelle. Quand on a quitté, elle nous manque déjà. Il n'y en a pas deux comme la Pierre Amanta. maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Une guitare dans la nuit, version orchestre tendance. Votre serviteur Hubert Ledon et Éric Colomb à l'accordéon, évidemment. Une guitare joue dans la nuit et l'on entend partout sa mélodie. Mélodie d'amour que je t'apporte, mais tu n'as pas voulu m'ouvrir ta porte. Et ma musique s'envole jusqu'à ta chambre. Et toi tu fais semblant pas l'entendre. Amour, réveille-toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi, ô toi que j'aime. Oui, je reviens vers toi, réponds-moi, il n'est pas trop tard. J'ai tout l'amour du monde dans ma guitare. Jusqu'à ta chambre. Et toi tu fais semblant de ne pas l'entendre. Amour, réveille-toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi, ô toi que j'aime. Pousse pas, donne-moi la chance de te revoir. J'ai tout l'amour du monde dans ma guitare. Il est temps de se dire au revoir pour cette semaine uniquement, bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine, même station, même heure. Et puis, on se quitte avec cette belle gitane interprétée toujours par l'orchestre Tendance et Éric Colomb à l'accordéon. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Avec nous, belle gitane, dans ton rythme un peu fou, des rires et des larmes, tous les hommes à genoux sont des pauvres diables qui rendent les armes pour belle gitane. We'll be right back. belle gitane. Je n'ai plus rien, tu vois. Je suis sous ton charme. Je voudrais avec toi étourdir mon âme. Même si je me damne, ma belle gitane. Sorgia FM.